Chapitre 162. L'aumône au nom du mort et les invocations en sa faveur. Allah Ta'ala dit: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Sourate 59, verset 10. 948. D'après Aïcha, radiyallahu anha, un homme a dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Ma mère est morte subitement. Si elle avait eu le temps de parler, elle aurait certainement demandé que l'on fasse une aumône. A-t-elle une récompense si je fais une aumône en son nom ?»« Oui, » répondit-il, alayhi salatu wassalam. » Al-Bukhari et Muslim. 949. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Lorsque quelqu'un meurt, ses bonnes actions s'interrompent à l'exception de trois. Une aumône continue, un savoir dont les gens profitent ou un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. Muslim. 950.